Première partie, chapitre 16e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 16e. Méditation du paradis. Préparation. 1. Mettez-vous en la présence de Dieu et 2. Faites l'invocation ordinaire. Considération, premièrement. Représentez-vous une nuit sereine et tranquille, et pensez combien il est doux à l'âme de voir le ciel tout brillant de la lumière de tant d'étoiles. Ajoutez à cette charmante beauté les délices d'un agréable jour, où la lumière la plus vive du soleil ne vous déroberait point la vue de la lune ni des étoiles. Et puis dites-vous même que tout cela mis ensemble n'est rien absolument en comparaison de la beauté et de la gloire du paradis. Oh, que ce séjour si charmant mérite bien nos désirs. Ô sainte cité de Dieu, que vous êtes glorieuse et aimable. Deuxièmement, considérez la noblesse, la beauté, les richesses et toute l'excellence de la sainte société de ceux qui y vivent, ces millions d'anges, de chérubins et de séraphins, ces troupes innombrables d'apôtres et de martyrs, de confesseurs et de vierges, de tant d'autres saints et saintes. Ô la bienheureuse union que celle des saints dans la gloire de Dieu. Le moindre de tous est mille fois plus beau à voir que le monde tout entier. Que sera-ce de les voir tous? Mon Dieu, qu'ils sont heureux! Ils chantent perpétuellement le doux cantique de l'amour éternel. Ils jouissent d'une constante allégresse. Ils se donnent les uns aux autres mille sujets de joie. Et ils vivent dans les constellations ineffables d'une heureuse et indissoluble société. Troisièmement, mais considérez beaucoup plus l'excellence de leur béatitude dans le bonheur de voir Dieu, qui les honore et les gratifie pour jamais de ce regard aimable et fécond en mille biens, par lequel il répand en même temps toutes les lumières de sa sagesse dans leur esprit et tous les délices de son amour dans leur volonté. Quel bien que celui d'être intimement et éternellement uni à Dieu par de si précieux liens. C'est là qu'environnés et pénétrés de la divinité, comme les oiseaux le sont de l'air, ils sont toujours et uniquement occupés de leur Créateur par un exercice perpétuel d'adoration, d'amour et de louange, sans ennui et avec un plaisir ineffable. Soyez donc, disent-ils, éternellement bénis, ô notre souverain et infiniment aimable Créateur, qui vous glorifiez en nous avec tant de bonté par la communion de votre gloire, et en même temps, Dieu leur fait toujours entendre en eux-mêmes cette parole béatifique, « Soyez bénites d'une bénédiction éternelle, mes chères créatures, qui m'avez servi avec fidélité et qui louerez à jamais votre Seigneur dans l'union de son amour. » Affection et résolution. Premièrement, abandonnez votre esprit à l'admiration de votre céleste patrie. Oh, que vous êtes belle, riche et magnifique, ma chère Jérusalem, et que bienheureux sont vos habitants. Deuxièmement, reprochez à votre cœur cette lâcheté qui l'a détourné des voies du ciel. Pourquoi donc ai-je fui de la sorte mon souverain bonheur? Ah, misérable que je suis, j'ai mille fois renoncé à ces infinies et éternelles délices pour chercher des plaisirs superficiels, passagers et mêlés de beaucoup d'amertume. Où était mon esprit de mépriser ainsi des biens si solides et si souhaitables pour des plaisirs si vains et si dignes de mépris? Troisièmement, ranimez cependant votre espérance et aspirez de toute votre force à ce séjour si délicieux. Ô mon aimable souverain Seigneur, puisqu'il vous a plu de me faire rentrer dans les voies du ciel, il ne m'arrivera jamais ni de m'en écarter, ni de m'y arrêter, ni de retourner sur mes pas. Allons, ma chère âme, quelque fatigue qu'il nous en coûte, allons à ce séjour du repos éternel, marchons et avançons toujours vers cette bénite terre qui nous est promise. Que faisons-nous en Égypte? Je me priverai donc de telle et telle chose qui me détourne de mon chemin ou qui m'y arrête. Je ferai donc celle-ci et celle-là qui peuvent servir à m'y conduire et à m'y avancer. Conclusion. Remerciez, etc. Offrez, etc. Priez, etc. Pater, Ave. Fin du chapitre 16e. Première partie.